Ouais, salut Margot. C'est la fonction affine f de x égale à x plus b. J'aimerais juste comprendre où en est notre relation. Hier, on s'est croisés dans un exercice, tu m'as à peine reconnue. Sympa. Après toutes les équations qu'on a résolues ensemble, c'est un petit peu dur à encaisser. Parce que les connaissances, ça s'oublie vite, Acadomia propose des stages de pré-rentrée en petits groupes de 4 élèves en moyenne pour un travail approfondi et personnalisé dans les matières principales. Renseignements sur acadomia.fr. Acadomia, ils ont tout pour réussir. Qui écoutez régulièrement l'émission depuis plusieurs années, vous connaissez sans doute ma passion pour les robots et les monstres géants. Outre les premiers mechas des années 70, Goldorak pour ne pas le citer, imaginez quel fut mon enthousiasme lorsqu'au milieu des années 90 arrivèrent en France des VHS proposant une toute nouvelle expérience du genre. Imaginez un peu des monstres mythologiques appelés anges, parfois abstraits contre des robots humanoïdes qui s'avèrent être eux-mêmes des monstres, mais pilotés par des enfants dépressifs qui luttent autant contre leur phobie que dans leur rapport avec des adultes torturé et pervers, le tout sur un fond de mythologie kabbalistique. Que demander de mieux que la série animée Evangelion ? Evangelion, petits anges partis trop tôt, c'est le programme traumatique qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour évoquer cette série qui a fait l'objet de nombreux développements, un remake en 4 films notamment, dont le dernier épisode vient de sortir au Japon et qui est, je pense, qu'on peut le dire sans trop d'embarras, peut-être l'une des meilleures séries animées de l'histoire des animés. Nous avons le plaisir de recevoir Mathieu Pinon. Bonjour Mathieu. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Journaliste spécialisé en pop culture japonaise, auteur notamment de l'histoire du manga moderne chez Inis Éditions. Et nous sommes en ligne avec Julien Bouvard. Bonjour. Oui, bonjour, je suis ravi de parler d'Évangélion avec vous. Eh bien, nous sommes ravis de parler d'Évangélion avec vous, et si ça tombe bien, vous êtes maître de conférence en langue et civilisation du Japon contemporain à l'université de Lyon 3. Mais avant de retrouver les anges et les monstres géants, on commence par celle qui annoncera le jour venu le premier impact, s'il se passe avant 16h. C'est Natacha Triou pour le Journal des Sciences. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas. Et on commence avec une étude parue dans la revue Scientific Reports. Une intelligence artificielle est capable de prédire les risques de suicide chez les adolescents. La recherche de ces 50 dernières années a montré que c'était très difficile de prédire les passages à l'acte dans la population. Alors, l'idée de cette équipe française, c'est de créer des outils pour dépister les risques de suicidalité chez les adolescents et les jeunes adultes, pour mieux cibler la prévention. Alors, ces chercheurs ont utilisé les données de 5000 étudiants de la cohorte iShare, dans laquelle les étudiants remplissent un questionnaire en ligne avant leur entrée à l'université, puis un an plus tard. C'est un questionnaire très complet de plus de 130 questions. Les chercheurs ont ensuite identifié 70 facteurs de risque connus des comportements suicidaires. Des caractères sociodémographiques, des antécédents, par exemple des parents en dépression, la consommation de drogue ou de la maltraitance parentale, etc. Alors, grâce à une intelligence artificielle, ils ont identifié 4 facteurs qui peuvent prédire 80% des comportements suicidaires à venir. Mélissa Macali est doctorante en épidémiologie à l'Université de Bordeaux, au centre INSERM Bordeaux Population Health. Elle est co-signataire de cette étude. C'est là que l'intelligence artificielle, alors c'est une méthode, l'intelligence artificielle qui s'appelle la méthode des forêts aléatoires, qui nous a permis d'inclure un grand nombre de ces prédicteurs potentiels, de ces facteurs de risque. Et c'est vraiment l'avantage de ces méthodes par rapport, si vous voulez, au modèle statistique plus classique, c'est de pouvoir prendre en compte un grand nombre de prédicteurs potentiels, ce qui n'est pas le cas par les autres modèles. Et l'idée, c'était en fait d'identifier parmi tous ces potentiels facteurs de risque ceux qui pouvaient prédire au mieux dans notre échantillon les comportements suicidaires à venir. Alors, nos résultats, alors on n'avait pas d'hypothèse a priori, on ne savait pas quel prédicteur sortirait avec le plus haut pouvoir prédictif. Mais on a été surpris d'avoir qu'il n'y en ait que 4. Donc c'était intéressant pour nous parce que c'est dans l'idée d'un futur dépistage, c'était intéressant de voir qu'il n'y avait pas un grand nombre de prédicteurs qui ressortaient et que surtout ces 4-là nous permettaient d'identifier 80% des comportements suicidaires déclarés par les étudiants au suivi. Donc parmi ces 4 prédicteurs, un qui était très attendu bien sûr, c'était le fait d'avoir des pensées suicidaires déjà à l'inclusion. Et ensuite 3 autres prédicteurs sont ressortis, les troubles anxieux, la symptomatologie dépressive et l'estime de soi. Alors la symptomatologie dépressive et anxieuse, c'est vrai, sont des comorbidités fréquentes du suicide. L'estime de soi était plus inattendue, et ça c'est vraiment l'intérêt aussi d'utiliser des méthodes comme les forêts aléatoires. C'est que ça nous a permis de montrer que l'estime de soi était vraiment un facteur très prédictif du suicide. Et donc notamment, on a refait tourner nos modèles statistiques dans un échantillon d'étudiants qui ne présentaient pas de comportement suicidaire à l'inclusion. Et là encore, l'estime de soi est ressortie comme un prédicteur majeur des comportements suicidaires à venir, ce qui ouvre quand même des perspectives de dépistage et d'intervention intéressantes. Voilà, pour retrouver cette étude et toutes les autres, ainsi que des liens de l'émission auxquels nous allons faire référence tout au long de cette heure, c'est comme tous les jours sur notre fil Twitter, @laméthodeFC. En bref, maintenant, Natacha, selon une étude parue dans la revue PNAS, une autre extinction est en cours, celle des langues humaines. Et tous les 4 mois, une langue autochtone disparaît et on estime que plus de 3000 langues risquent de s'éteindre. Les dialectes utilisés par de petits groupes sont remplacés par des langues utilisées par le plus grand nombre. Alors, selon ces chercheurs suisses, cette extinction mondiale des langues menace nos connaissances scientifiques. Les langues autochtones contiennent les connaissances que les communautés ont sur les plantes médicinales. Et ces connaissances médicinales sont linguistiquement uniques, c'est-à-dire connues par une seule langue. Ces auteurs appellent donc à lutter contre la disparition de cette encyclopédie orale des savoirs médicinaux. Cette semaine dans le Journal des Sciences, il a été question du mystère de la luminosité de Bételgeuse, enfin résolue, du SARS-CoV-2 et de sa présence sur le sol américain dès décembre 2019, des pesticides volatiles qui contaminent l'agriculture biologique et de la nouvelle stratégie de surveillance du Covid par test PCR, mais également dans l'actualité scientifique de la semaine et en ultra bref. Cette semaine, la Chine a envoyé 3 astronautes à bord de sa nouvelle station spatiale. Jeudi, depuis leur vaisseau Shenzhou 12, 3 hommes se sont arrimés à l'unique module de Tiangong, le palais céleste. Pendant 3 mois, ils vont installer et assembler le matériel et continuer la construction de cette future station spatiale censée rivaliser avec l'ISS et qui fait à peu près la même taille que l'ex-station soviétique Mir. Cette semaine, un phénomène rare en Australie. D'immenses toiles d'araignées recouvrent les campagnes et les paysages à perte de vue dans la région de Gippsland, dans le sud-est du pays. Alors, suite aux inondations qui ont touché la région, les araignées ont dû quitter massivement leurs trous souterrains pour se disperser dans la nature. Elles ont laissé derrière elles des kilomètres de toiles de soie. Et enfin cette semaine, pour éliminer un drone, oubliez les lasers à haute énergie, oubliez les bazookas anti-drones, place aux canons à confettis. Le gouvernement américain a développé une nouvelle technologie qui consiste à envoyer un mini-hélicoptère devant un drone ennemi et de tirer face à lui des confettis et des cotillons. Alors dans une démonstration filmée, la technique se montre redoutablement efficace. Les confettis s'en mêlent dans les hélices et provoquent un crash immédiat. Voilà, dans un instant, vous allez entendre parler de la meilleure série japonaise animée de tous les temps et d'enfants traumatisés et de monstres géants. Mais tout de suite, c'est le journal de la SF. Et on commence avec une étude publiée dans l'International Journal of Astrobiology. Les planètes rogues, les planètes, comme on dit en français, flottantes. Les planètes flottantes, les planètes minces. Vagabondes. Possèdent peut-être des lunes qui, elles, sont habitables. Oui, les rogues planètes, donc les planètes flottantes. Errantes aussi. Voilà, c'est ça que je cherchais. Merci. Ce sont des planètes qui ont été éjectées de leur système planétaire, qui se sont donc décrochées de l'emprise gravitationnelle de leur étoile et qui errent dans l'espace interstellaire. Alors nous n'en avons pas vraiment détecté. Elles sont peu lumineuses. Mais théoriquement, il en existerait environ 100 milliards. D'autres recherches ont aussi montré que ces planètes peuvent garder avec elles leur lune, même en étant éjectées. 50% d'entre elles conserveraient leur satellite. Des chercheurs chiliens on fait une modélisation pour savoir si une de ces lunes, de la taille de la Terre, en orbite autour d'une planète flottante de la taille de Jupiter, si une de ces lunes pouvait avoir de l'eau liquide à sa surface. Alors selon leur modélisation, toutes les conditions nécessaires pour favoriser le développement d'une chimie prébiotique sont réunies. Isabelle Boisse est astronome adjointe au laboratoire d'astrophysique de Marseille. Elle est spécialisée dans l'étude des exoplanètes. Donc en fait, il n'y a pas d'étoile qui apporte l'énergie à la planète, comme c'est le Soleil qui nous apporte de l'énergie. Cette énergie, elle va être apportée par les rayons cosmiques. Donc il y a des particules et des rayons qui traversent l'espace constamment parce qu'ils sont émis par des étoiles lointaines, par des trous noirs, par tout un tas de choses. On en reçoit plein sur la Terre, hein, mais donc en fait, ça crée de l'énergie quand ça arrive en interagissant avec l'atmosphère, qui va permettre des interactions chimiques. Ils se sont rendus compte dans le passé que c'était la première source d'énergie dans ce cadre-là pour les interactions chimiques dans l'atmosphère. Ça va être ces rayons cosmiques. Et pour garder la température qu'il faut à la surface, parce que donc une planète qui flotte avec sa lune dans l'espace, sa température effective, elle est très faible. Ça va être de l'ordre de moins 250 degrés, moins 200 degrés. Donc c'est très froid. Mais pour avoir une température correcte sur la lune, il suffit d'imaginer de l'effet de serre qu'on peut avoir de l'hydrogène moléculaire, où là, ici, dans ce papier, il montre qu'avec du dioxyde de carbone, qu'on a donc aussi chez nous, on a une atmosphère qui va retenir la chaleur, qui va éviter qu'elle s'évacue dans l'espace. Et une partie de cette chaleur vient, elle, par contre, des forces de marée entre la Lune et la planète. Il y a des forces de marée entre la Lune et la Terre, puisque on voit bien l'eau qui bouge avec les effets de marée. Entre Jupiter et Io, ça crée des volcans. Ce sont les déformations en fait de croûte, les frottements qu'il peut y avoir dû au fait que la Lune est attirée par la planète, qui vont créer de la chaleur à l'intérieur de la Lune. Et le fait qu'il y ait une atmosphère qui va garder cette chaleur plutôt que de la laisser s'évaporer dans l'espace va faire qu'on peut conserver une température suffisante pour avoir de l'eau liquide et pas de l'eau gelée. La simulation, la modélisation qu'on met en place dans ce papier et qu'on montrait que oui, c'était possible. Pendant un temps, en tout cas suffisant, quelques millions d'années, la Lune peut avoir une atmosphère suffisante pour garder de l'eau liquide à sa surface. Et donc après, voilà, l'eau liquide, en tout cas, ce qu'on suppose sur la Terre, c'est que c'est le premier élément nécessaire pour mettre en place la vie. En bref, selon une étude parue dans la revue Plus One, les chercheurs de l'armée américaine ont créé une équation pour créer de parfaits robots marcheurs. Les scientifiques de l'US Army ont utilisé une formule, la formule d'Eglund, une équation de 1982 qui décrit le lien entre l'énergétique et la mécanique de la locomotion terrestre chez les animaux. La puissance nécessaire à un cafard ou à un éléphant pour se déplacer à une vitesse donnée. Les chercheurs ont appliqué cette équation sur différents véhicules roulants, de la Ford T jusqu'au char de 35 tonnes. Il se trouve qu'il existe une similitude fondamentale entre la locomotion biologique et artificielle. Nos véhicules possèdent la même régularité de relation entre la masse, la puissance et la vitesse, comme on l'observe chez les animaux. Alors cette relation allométrique va ainsi permettre d'améliorer la fabrication des robots marcheurs. Par exemple, avec sa morphologie, le robot humanoïde Atlas consomme 60 fois plus d'énergie qu'il ne le devrait. Côté fiction, la Science Fiction and Fantasy Writers of America vient d'annoncer les lauréats des prix Nebula 2021. Et depuis 1966, les prix Nebula, c'est une récompense littéraire prestigieuse qui prime les œuvres de science-fiction et de fantasy les plus novatrices. Dune, de Frank Herbert, avait reçu le premier prix Nebula. Alors cette année, les 1500 membres de la SFWA ont décerné le prix Nebula du meilleur roman 2020 à l'écrivain américain Martha Wells pour Effet de réseau, publié en France aux éditions de La Talente. Effet de réseau, c'est la suite des 4 romans courts Journal d'un assassin, déjà récompensé par Prix Hugo, Nebula, Alex et Locus. Alors Martha Wells raconte les péripéties d'un androïde garde du corps défectueux. Le roman aborde la question du libre arbitre, d'une intelligence artificielle et décrit un personnage non genré. Beaucoup de genres dans le prochain festival Fantastique Queer 2021 qui a lieu ce week-end, Natacha. Le salon du livre de l'imaginaire queer et LGBTQI+, baptisé Fantastique Queer, commence aujourd'hui et se tient en ligne jusqu'à dimanche sur Twitch, Zoom et Gatterton. Alors pour découvrir les particularités de l'imaginaire queer en science-fiction, plusieurs tables rondes et conférences sont prévues au programme. Comment contourner les codes de la fantasy et est-ce que l'édition a été prête pour la grande vague queer? Les inscriptions se font sur leur site. Vous trouverez aussi sur leur page une grande sélection de livres de SF Queer. Et on y reviendra très bientôt puisqu'il en sera question en ce mois des fiertés, la semaine prochaine dans la méthode fantastique. C'est ça, c'est le nouveau nom de l'émission, c'est la méthode fantastique la semaine prochaine. Je vous donne le programme à la fin de l'émission. Et pour autre festival évidemment très attendu, dont France Culture et la méthode fantastique scientifique sont partenaires, les Utopiales, Natacha. Et le festival de SF se tiendra cette année du 29 octobre au 1er novembre 2021, comme toujours à la Cité des Congrès à Nantes. Alors comme chaque année, depuis 2006, les Utopiales invitent les jeunes lecteurs à participer à un concours de nouvelles, un concours parrainé par l'INSERM. Et cette année, les 8 à 18 ans sont conviés à écrire une nouvelle autour du thème « transformation » au pluriel. La participation est gratuite et vos textes sont attendus avant le 10 décembre 2021. Et on termine comme chaque vendredi par notre rubrique de science improbable. Aujourd'hui, Natacha, vous allez nous parler d'infidélité chez les hippocampes. C'est une étude parue dans Behavioral Processes. Et l'hippocampe moucheté est célèbre pour sa monogamie. Après leur parade nuptiale, les hippocampes vivent côte à côte jusqu'à ce que la mort les sépare. Alors être fidèle pour un hippocampe, cela signifie que le mâle n'accepte que les œufs de sa concubine, mais ce sont les mâles qui sont enceints, et la femelle ne va pondre que pour le même partenaire. Des chercheurs chinois se sont demandé quelle était la clé de cette fidélité. Ils ont observé la routine amoureuse de 200 couples, puis ils ont placé les mâles enceints dans des filets ou dans des sacs en plastique. Alors d'une part, ils ont découvert que ces animaux se reconnaissent grâce à des indices olfactifs, et d'autre part, 75% des femelles qui n'ont pas pu sentir ou voir leur partenaire sont alors parties voir ailleurs. Un indice pour votre programme de week-end. Merci beaucoup, Natacha. Et à lundi pour le prochain journal des sciences. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Voilà, si des petits frissons parcourent votre derme à l'écoute de ces quelques notes de musique qui annoncent en général l'attaque d'une créature monstrueuse nommée Ange sur Tokyo 3 et le déploiement des machines de guerre nommées Eva, diminutif d'Evangelion, uniquement pilotées par des enfants, c'est tout à fait normal, tant la série signée Hideaki Anno, diffusée pour la première fois à la télévision japonaise en 95 et arrivée en France dès 1996 en VHS, a marqué les esprits et la pop culture. Pour le résumer à grands traits, Evangelion c'est une sorte de Goldorak plutôt pour adultes et où rien ne se serait bien passé. Les monstres sont quasi invincibles, la Terre qui a déjà été détruite ne peut être sauvée que par des enfants dépressifs martyrisés par des adultes pervers et implacables. C'est à la fois mystique, violent, trouble, parfois abstrait, à tel point que les deux derniers épisodes de la série originale ont été jugés tellement incompréhensibles par les fans que le créateur a été poussé à refaire un film, puis un deuxième pour essayer de conclure correctement son histoire. Histoire qui ne s'arrête pas là, puisque la série a été reprise une nouvelle fois dans un film en quatre parties, Rebuild of Evangelion, qui diffère très largement de l'original et dont la quatrième partie vient de sortir ce printemps au Japon et devrait arriver, on l'espère, sous peu en Europe. Pourquoi est-il essentiel de voir ou de revoir Neon Genesis Evangelion, dont les épisodes de la série originelle sont disponibles, ainsi que les deux films de fin alternative sur Netflix? Réponse, je sais pas qui veut commencer, Mathieu Pinon? Ouh là là là là là. Pourquoi il est indispensable de revoir Evangelion? Ou de voir Evangelion, si on ne l'a pas vu? Tout simplement parce que c'est une série qui a eu un tel impact sur l'animation japonaise et sur le public que 25 ans plus tard, un quart de siècle après sa diffusion au Japon, on en parle toujours et encore. C'est quelque chose qui est vraiment d'actualité. Quand vous traînez dans les rues de Tokyo, vous pouvez voir des publicités pour Evangelion, des produits dérivés pour Evangelion, là où généralement n'importe quelle série animée a une durée de vie assez limitée. Une fois qu'elle n'est plus diffusée à la télévision, elle se retrouve oubliée quelques années plus tard. Evangelion est toujours, toujours, toujours d'actualité encore aujourd'hui. C'est une des séries qui a généré le plus de profits de l'histoire de l'animation. Et paradoxalement, c'est un petit peu comme Akira, dont nous avons parlé la dernière fois, à savoir que c'est une œuvre qui est complètement en dehors des clous. C'est quelque chose qui se moque des clichés de l'animation japonaise, qui sort complètement des habitudes. Et je pense que c'est pour cela que, comme Akira, c'est quelque chose qui est resté autant ancré dans l'inconscient collectif nippon et international. C'est pour ça que l'œuvre étant vraiment originale, dans tous les sens du terme, encore aujourd'hui, c'est quelque chose qui tient à beaucoup dans le cœur des fans au Japon et dans le reste du monde. Votre avis, Julien Beauvoir, pourquoi, si on a raté Evangelion, il est important de le voir même des années après, ou de le revoir aujourd'hui si on l'a vu il y a longtemps? Alors, je crois que la postérité de l'œuvre, qui est devenue maintenant culte, est un argument tout à fait voilà, qui peut vous amener à regarder Évangélion. Moi, ce qui m'intéresse vraiment dans cette série, c'est son côté avant-gardiste, voire expérimental. C'est d'un côté une série comme les autres, qui est insérée dans une industrie qui joue sur la répétition et les figures imposées. Comme vous le disiez dans votre introduction, c'est finalement une série de gros robots. Hein. Il y a des combats, il y a des personnages adolescents, il y a de la romance. Et puis de l'autre, c'est en fait une œuvre qui, sur le plan graphique, est extrêmement ambitieuse dans sa réalisation, avec un montage original, oui. Des plans magnifiques. Des parties prises visuelles qu'on ne voit d'ordinaire que dans des festivals de courts-métrages de films expérimentaux, hein, entre un film avec la pellicule ratée et puis d'autres aux couleurs tellement saturées qu'on n'y voit plus rien. Bref, Évangélion, c'est ça, c'est la possibilité de diffuser ces images qui sont normalement limitées à un public d'experts à la télévision japonaise, sur un créneau horaire destiné aux jeunes. Et c'est pour ça que cette série est absolument fantastique. Oui. On reparlera notamment du montage, effectivement, hein, qui est quelque chose de très très marquant dans Évangélion. Parfois, les épisodes commencent, on ne sait plus où on est, on l'apprend et on revient en arrière, en avant. Enfin, c'est assez ambitieux. Comment est-ce qu'on pourrait résumer en quelques mots Évangélion d'une autre façon que celle à laquelle j'ai procédé il y a quelques minutes, de manière certainement un peu provocatrice? Comment vous résumeriez, Mathieu Pinon, Évangélion en quelques mots? Évangélion est comment dire ça? Je dirais que c'est, tant pis pour la publicité, c'est un peu un Kinder Surprise. Au sens où, quand on commence Evangelion, on mange du chocolat totalement industriel, donc des gros robots qui se battent. Puis on se rend compte que, quand même, il y a un truc bizarre. Plus on avance vers le cœur de l'animé, plus on se dit que, au final, cette couche de chocolat est complètement superficielle. Et puis on découvre au final la surprise. Et la surprise, c'est qu'en fait, Hideaki Anno, qui est issu de la culture otaku, donc ce qu'on appelle des otaku au Japon, ce sont des passionnés, mais des passionnés maladifs. Alors on peut être otaku de tout et n'importe quoi. Il y a notamment ce qu'on va appeler les military otaku, qui vont collectionner les uniformes, les armes, des maquettes de tanks. Et donc il y a aussi les plus connus, depuis le documentaire de Jacques Benex en France, les otaku de manga et de dessins animés, et donc ont retrouvé tous les tropes habituels de leur culture, à savoir des robots géants, des jolies filles en tenue moulante, la terre qui est menacée de l'extinction à tout moment. Et à la fin, le message clair et explicite de Hideaki Anno, c'est « Eh bien, écoutez, vous, les otaku, vous êtes totalement retrouvés dans le personnage principal. Le personnage principal, ce que je lui dis, c'est de sortir, affronter le monde et la réalité. Sortez de votre chambre, arrêtez de vous réfugier dans les univers virtuels et fantasmés que sont les dessins animés et les mangas que vous regardez et que vous lisez en boucle, et allez vous frotter vraiment à la dureté du monde. C'est pas facile, on souffre. Mais c'est ce qu'il faut faire. » Et ça a été extrêmement mal pris, justement, par sa fanbase, qui l'avait encensé pendant 24 épisodes et qui, au final, a complètement décrié la fin de la série. On reviendra là aussi hein, sur cette fin bizarre, ces deux derniers épisodes qui atteignent des sommets d'abstraction, effectivement, rarement vus. Peut-être un mot, Julien Bouvard, effectivement, Mathieu Pinon a raison, ça commence finalement comme ce qu'on connaît, c'est-à-dire du film de Mecha versus Kaiju. Et puis, très vite, Anno va commencer à subvertir le genre, et c'est ça qui est absolument passionnant, en y introduisant des éléments extrêmement adultes et très comment dire, presque mal placés par rapport à ce qu'on peut attendre du genre du dessin animé de Kaiju, quoi. Tout à fait, ouais. Donc c'est d'un côté une série qui est ultra référencée. Donc Anno, avant d'être un réalisateur de dessin animé, a été et continue d'être un fan d'animation et de toute la subculture japonaise. Il emprunte notamment pas mal d'éléments à des séries de robots classiques comme Gundam ou Ideon. D'ailleurs, un petit peu comme dans Ideon, finalement, il a refait une fin au format long métrage avec Évangélion. Donc d'un côté, on a quelque chose de très classique, effectivement, un épisode par semaine, un ange à peu près qu'il faut affronter par semaine. Donc un monstre. Il y a aussi un monstre. Oui, pardon. Les anges s'appellent les monstres, s'appellent les anges. On y reviendra d'ailleurs aussi. Et puis, donc à l'intérieur de chaque épisode, il y a des moments de tension, des moments de combat, et puis des moments beaucoup plus calmes, avec des éléments beaucoup plus style love comedy, hein, donc comédie sentimentale en milieu scolaire, tel qu'on en trouve énormément dans la culture populaire japonaise. Il y a même une mascotte, hein, il y a Pen-Pen, le petit pingouin, qui est la mascotte un petit peu comique de la série. Donc tout cela est mélangé avec des discours religieux sur la fin du monde, sur l'apocalypse, des discours psychanalytiques. Bref, c'est ce mélange peut-être qui crée l'originalité de Evangelion et qui lui donne peut-être tout son charme, je crois. Mmh. Un mot peut-être, Mathieu Pinon, sur ce Hideaki Anno qui a débuté l'animation chez Miyazaki notamment, qui a fait la fortune du studio Gainax en sortant Evangelion. Oui, alors Hideaki Anno, il est né au début des années 50, c'était... 60, non ? 60. Il est né en 60 pardon. 60 tours, c'est voilà. Ça. Donc, et il a vraiment pris de plein fouet, étant enfant, le développement de la télévision au Japon. Voilà, on est vraiment les années 60, c'est l'émergence de toutes les, de beaucoup de chaînes, et donc qu'il a fallu entretenir avec des programmes. Donc, il a découvert les dessins animés, mais il a également découvert ce qu'on appelle le tokusatsu, les séries à effets spéciaux, notamment Ultraman. Alors, ces séries-là, on n'en a pas connu beaucoup en France. Les plus représentatives qu'on peut connaître, ce sont les Sentai. On a des groupes de 5 personnages colorés, force rouge, force jaune, etc., avec leurs robots géants. Mais il y a également des séries avec les Metal Heroes, comme Xor, mm-hmm. enfin, Gaban au japonais. Spectroman. Avec la fermeture éclair dans le dos. Voilà. Mm-hmm. Et donc, les plus grands, les figures les plus connues au Japon sont Kamen Rider et Ultraman, qui ne sont pas arrivés chez nous. Donc, il a vraiment digéré toute cette culture, toute cette sous-culture, et quand il est rentré dans... D'ailleurs, il a tourné des courts-métrages d'Ultraman, complètement fauchés, en hommage à la série, et il s'est mis au dessin, et en 84, on l'a retrouvé sur deux des plus grands longs-métrages qui sont sortis au Japon, à savoir le film de Macross, Do You Remember Love, et le premier film de original de Miyazaki, Nausicaa de la Vallée du Vent. Et Miyazaki lui a dit je vais te confier l'animation du robot à la fin qui sort avec la lave qui dégouline. C'est un travail de titan qu'il a dû accomplir pour cela. Et à partir de là, Hideaki Anno en fait a fondé le studio Gainax en 84 avec d'autres camarades tout aussi fous que lui de culture otaku. Ils se sont fait connaître en faisant il y avait une convention de science-fiction qui s'appelait Daikon. Il y a eu Daikon 1, Daikon 2, Daikon 3 et Daikon 4. Ils ont fait pour ces deux dernières conventions un petit court-métrage animé qui pastiche tous les clichés de la science-fiction. On y voit des Godzilla, on y voit des Stormtroopers, etc. Et donc le studio Gainax s'est fait connaître pour être vraiment quelque chose d'extrêmement otaku. À partir de là, il a commencé à travailler sur des premières séries. Il a fait une série d'OAV qui s'appelle Gunbuster, qui est très très intéressante puisqu'elle prend en compte les voyages subliminiques et qui est à la fois une série qui reprend les codes du mecha mais qui reprend aussi les codes d'un dessin animé de tennis. Es Onerae, c'est pour ça que la série s'appelle Top Onerae, ça reprend totalement les codes du tennis qui peut paraître un peu fou, et donc on voit les robots qui font des pompes pour s'entraîner avant de partir dans l'espace, mais littéralement des robots qui font des pompes. Peu après ça, il a fait une série qui s'appelle Nadia, le secret de l'eau bleue, qui est reprise, qui est très inspirée par Jules Verne. Ça commence à Paris, pendant l'exposition universelle. Et déjà, dès la fin de Nadia, on sentait qu'il y avait tout un côté mystique qui l'intéressait dans son œuvre. Et quand il a fini Nadia, il était complètement déprimé. Et un soir de beuverie avec un producteur, le producteur lui dit « Écoute, là franchement, tu vas pas bien du tout, je vais trouver moyen de te trouver un créneau de diffusion et tu fais ce que tu veux, je te donne carte blanche pour faire ce que tu veux ». À partir de là, il a fait Evangelion, et effectivement, c'est une série dans laquelle il fallait avoir carte blanche parce qu'il s'est permis des choses qu'on n'avait encore jamais vues jusqu'ici. Un mot peut-être rapidement aussi sur le contexte de la série de Mecha, parce que Mathieu Pinon vient de rappeler quelques-unes des origines des séries à effets spéciaux, mais nous on a connu bon évidemment Goldorak, mais toute la série des robots géants, et puis Gundam après, Julien Bouvard, au début des années 90, au moment d'Evangelion, on en est où de ces séries de Mecha? Elles sont un peu épuisées au Japon ou elles continuent à vivre de leur belle vie? Dans les années 90, ces séries de mecha se sont un petit peu épuisées, comme vous dites. À vrai dire, on a connu plusieurs grandes périodes de séries de gros robots. Une première qu'on peut qualifier super roboto, donc super robot, c'est les robots type Goldorak, c'est-à-dire des robots un petit peu fantastiques qui ont des pouvoirs surnaturels. Et puis, la période suivante qui commence à la fin des années 70, c'est plutôt la période qu'on appelle des « real robots », donc des robots plus réalistes, à l'image de Gundam ou de Patlabor, pour donner d'autres exemples. C'est-à-dire donc des récits un petit peu plus réalistes qui intègrent des robots dont l'existence est expliquée de manière, entre guillemets, rationnelle. Evangelion arrive à un moment où ce genre du robot est un petit peu peut tomber en désuétude et en fait Anno va redynamiser ce genre et le réinterpréter en mélangeant en fait des éléments de super robots et de real robots puisque il y a des côtés un petit peu comment dire presque scientifiques ou rationnels dans ces Evangelions, ces Eva, et puis de l'autre côté on les voit produire des attaques synchronisées, des chorégraphies, des attaques spéciales, les pilotes crient dans leur cockpit, bref des éléments qu'on retrouve qu'on retrouvait plutôt dans les super robots type Goldorak, Mazinger, etc. Et alors, il y a aussi quelque chose d'important. On va voir que les méchants, les anges ont leur importance. Et justement, puisqu'on en parle, les anges, Mathieu Pinon, Neon, Genesis, Evangelion, on voit qu'il y a un sous-texte religieux dans Evangelion. Quand les anges disparaissent ou sont tués, ils forment une sorte de croix, de crucifix. Il y a des références aux trois mages, à la cabale. Enfin, il y a des références religieuses partout. Mais alors, paradoxalement, ce qui est assez intéressant ou intriguant serait a priori un peu folklorique chez Anno. Selon moi, alors c'est parce que plusieurs écoles s'affrontent sur cette théorie, selon moi, tout ça s'est fait pour apporter une extrême cohérence à sa diégèse. Donc tout l'univers d'Evangelion est justement marqué par le saut des références mystiques à la chrétienté, à la cabale. Mais je crois que tout ça est justement fait pour qu'on ait une œuvre extrêmement cohérente dans laquelle les otakus ont foncé tête baissée. Et un petit peu comme un miroir aux alouettes, et se rendre compte à la fin que finalement, le message final d'Anno était « tout cela n'est que fiction ». Même si tout est extrêmement cohérent, c'est un univers complètement fictif. Et je pense que c'est pour ça que justement, quand il y a eu le fameux message de fin envers les otakus, c'est « arrêtez de regarder des dessins animés, sortez un petit peu de chez vous », ils ont été extrêmement vexés, un, par le message, qui est quand même assez violent envers eux, et surtout de ne pas avoir de vraie fin, alors que tout est très très cohérent. Mmh. On nous parle d'ange, on nous parle de Lilith, on nous parle d'Adam, on nous parle de la lance de Longinus. Mmh. La lance qui blesse le Christ à la côte. Voilà, toutes les références qu'on peut retrouver aussi bien dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament sont présentes. Mais pour moi, par exemple, l'un des meilleurs exemples qui représente cette dualité vient de l'ordinateur Magi, qui est donc l'ordinateur qui va prendre toutes les décisions en cas de problème, et qui est subdivisé en trois entités. Et les trois entités, comme il y en a trois, on leur donne les noms des trois rois mages, mais ce qui compte le plus, comme l'explique Ritsuko, qui est la fille de la père de la femme qui a créé cet ordinateur, c'est qu'en fait, chacune des trois machines correspond à une facette de sa créatrice. Il y a la femme, il y a la mère et il y a la scientifique. Et ce sont ces trois facettes-là qui vont discuter entre elles pour savoir si, oui ou non, on prend telle ou telle décision. Le fait que ce soit Gaspard, Melchior ou Balthazar, on s'en fiche. C'est juste là pour mettre un petit peu de poudre aux yeux. C'est ça. Mais c'est de ça que je parlais quand je disais que c'était finalement du motif. Voilà, mais attention, encore une fois, c'est mon interprétation. Pour d'autres, c'est extrêmement plus sérieux. C'est vrai que toute la mythologie d'Evangelion est structurée autour de référentiels a priori chrétiens ou kabbalistiques. Julien Bouvard, sans trop en révéler, c'est quand même vraiment le fil conducteur de la mythologie derrière l'animé. Tout à fait, mais cela apparaît comme une sorte de bombardement sémiologique, donc on ne comprend pas forcément les tenants et les aboutissants. Il y a beaucoup de références, donc on nomme les choses avec des références donc à la Bible, à la Kabbale, etc. Et on considère finalement des textes religieux comme des récits, comme des fictions, au même titre que d'autres petites histoires du quotidien que vivent les personnages d'Evangelion. Mais peut-être que sur cette question de la religion, on loupe un aspect, à mon avis, qui est non pas les grandes religions, mais plutôt les nouvelles religions. Et si on s'intéresse à ça, et donc aux aspects un peu plus ésotériques, et un peu plus exotiques des nouvelles religions japonaises, là on peut peut-être tisser des liens entre le contexte historique, c'est-à-dire le milieu des années 90 au Japon, et cet intérêt otakuesque, j'ai envie de dire, pour les récits, pour les fictions religieuses. Alors si vous me permettez un petit peu de parler à ce propos, 1995, c'est une époque vraiment importante pour le Japon, en dehors de la crise économique post-bulle financière. Il y a un tremblement de terre à Kobe cette année-là, qui fait plus de 6000 morts, et qui est suivi quelques semaines plus tard par un attentat commis par une secte religieuse qui s'appelle Aum Shinrikyo, Aum Vérité Nouvelle, donc dans le métro de Tokyo, donc où ses membres disséminent du gaz sarin. Donc ça fait quelques morts. Ça fait un certain nombre de morts, et puis ça a été un grand traumatisme, surtout, et au Japon, et à l'international. Absolument. De cet attentat de la secte Aum. Alors, vous allez peut-être me dire, mais quel est le rapport entre cet attentat de 1995 et Evangelion, à part la synchronicité sur le plan temporel ? Eh bien, peut-être parce qu'à cette époque-là, il y a énormément de discours millénaristes, avec beaucoup d'illuminés, qui annoncent la fin du monde. Alors c'est le cas de Asahara Shoko, donc le gourou de Aum Shinrikyo, mais c'est aussi le cas d'autres sectes religieuses qui annoncent donc l'apocalypse en l'an 2000. Donc on l'a un petit peu oublié, et peut-être que les auditeurs les plus jeunes ne savent pas ça, mais au moment du passage à l'an 2000 et pendant les quelques années qui ont précédé dans le monde entier, mais surtout au Japon et en Asie, tous ces discours très inquiets vis-à-vis du futur étaient très, très importants. Alors, quel est le rapport avec Evangelion ? Eh bien, les membres de la secte Aum Shinrikyo se revendiquent souvent d'un héritage culturel qui est proche de celui des otaku. Ils nomment eux aussi certains de leurs ordinateurs, de leurs armes, en faisant des références à Yamato, Gundam et d'autres dessins animés très célèbres. Donc ils ont parfois suivi des cursus scientifiques, ils sont parfois issus de grandes universités japonaises, ce qui montre bien qu'on a beau avoir des diplômes très élevés, on peut aussi être sensible à tous ces discours irrationnels. Et puis donc, Evangelion, je pense, partage un regard sur le monde assez proche des membres de la secte Aum. Alors, je ne suis pas du tout en train de dire que les amateurs d'Evangelion sont les mêmes que les membres de la secte Aum, mais néanmoins, c'est difficile, à mon avis, de ne pas créer de lien entre les deux. D'autant plus que la secte a aussi produit des dessins animés, des mangas, et donc des fictions proche de la culture otaku, qui montre qu'il y a une certaine porosité, en tout cas à l'époque, entre les amateurs d'ésotérisme, par exemple les lecteurs de la revue Mu. Alors, pour ceux qui ont vu le dernier film de Makoto Shinkai, Les Enfants de la Pluie, il y a cette revue qui apparaît dans le film. Donc, une porosité entre ces amateurs d'ésotérisme et les amateurs de la subculture, et donc ceux de l'Évangélion. On va continuer à parler d'Evangelion tout au long de cette heure. On va rentrer peut-être dans la série originale pour essayer de comprendre ce qui se passe exactement et ce qu'est un Evangelion. Bien, la première rencontre entre Shinji et l'Evangelion qui va piloter l'Eva 01. Mais pourquoi il fait sombre ici ? Un visage ? C'est un robot géant ? Tu ne trouveras rien sur lui là-dedans. Tu as devant toi le système de combat polyvalent le plus perfectionné jamais conçu par l'homme, l'humain artificiel Evangelion. Ceci est l'unité 01. Elle a été construite dans le plus grand secret. C'est notre dernier recours pour défendre l'humanité. Mon père a travaillé sur cette machine ? En effet. Ça faisait bien longtemps. Papa ? Lancez l'Eva. Vous êtes malade ! L'Eva 00 n'est pas apte à reprendre du service ! Attendez, vous n'envisagez quand même pas de lancer l'Eva 01 ? Nous n'avons pas d'autre choix. C'est une blague ! Rai n'est pas en état de la piloter. Et nous n'avons aucun autre pilote ! Nous en avons un maintenant. T'es pas sérieuse ? Shinji, écoute-moi bien. Oui ? C'est toi qui vas la piloter. Quoi ? Mais c'est de la folie ! Il a fallu 7 mois à Rai pour réussir à mettre au point la synchronisation avec une Eva. Shinji vient à peine d'arriver. Il n'en sera jamais capable. Tout ce que je te demande, c'est de monter à bord, rien de plus. Mais enfin ! À l'heure actuelle, venir à bout des anges est notre priorité absolue. Pour y parvenir, il faut que les personnes en mesure de se synchroniser avec une Eva tentent de la piloter, même si les chances de réussite sont infimes. Vous en êtes bien consciente, capitaine Katsuragi ? Oui, je sais. Papa, pourquoi tu m'as fait venir ? Tu sais très bien pourquoi. Alors je suis censé monter dans cette machine et aller combattre cette chose dehors ? C'est exact. Non ! Je peux pas ! Et pourquoi tu veux me voir maintenant ? Tu m'as ignoré pendant des années. T'as jamais eu besoin de moi. Tu es là. Voilà, vous avez une sorte de résumé, de condensé des enjeux d'Évangélion. Un enfant adolescent terrorisé, traumatisé par son père, qu'on force à rentrer dans une machine de combat qui va pas s'avérer être tout à fait une machine, mais quelque chose d'un peu plus compliqué avec laquelle il va falloir fusionner. Commentaire libre, Mathieu Pinon. Pardon ? Commentaire libre, disais-je, de cet extrait. Ah oui, commentaire libre. Il y a quelque chose qui est très marquant, c'est que justement, quand on évoquait avec Julien, que ce soit quand on parlait des robots géants, la première époque, les super roboto, les super robots, on avait tout le temps un pilote qui était mais ravi de rentrer dans un robot géant pour aller casser la margoulette aux méchants. Et il allait dedans, il criait ses attaques, il était fou de joie, il était fougueux. Et là, on a un gamin de 14 ans complètement dépressif, qui ne va pas bien du tout, qui n'a pas vu son père depuis des années. Son père le fait venir. Donc il dit, ah, enfin, je vais peut-être me réconcilier avec mon papa, on va pouvoir discuter. Non, non, c'est pour lui dire, tu vas monter dans la machine de combat pour aller affronter l'espèce de créature dégoûtante qui vient nous attaquer, qui fait plusieurs dizaines de mètres. Et après avoir vu passer la jeune fille qui pilotait l'autre robot en petits morceaux. En petits morceaux, voilà, sur un brancard. Couverte de sang, sur un brancard, avec des bandages couverts de sang. Donc, quand il voit l'état, quand il refuse d'y aller, son père dit, eh bien, écoute, puisque c'est comme ça, cette jeune fille qui est au bord de, qui est en pleine agonie, qui va prendre ta place et qui va y aller, et elle qui fait, bon, bah, d'accord, alors qu'elle titube totalement, donc, galamment, chevaleresquement, il finit par accepter de rentrer dans le robot. Il va y avoir cette phrase récurrente qui revient tout le temps, dans la bouche de Shinji, qui est, je ne dois pas fuir, je ne dois pas fuir, je ne dois pas fuir. Et, on peut faire énormément de parallèles par rapport à ça, on peut voir le reflet de plein d'adolescents qui se retrouvent dans un Japon qui vient de rentrer dans la crise économique, comme l'a si bien souligné Julien tout à l'heure, et qui donc arrivent face à un monde qui n'est plus aussi brillant que celui qu'avaient pu connaître leurs parents, et qui ne peuvent pas fuir ce Japon. Mais c'est une des multiples interprétations qu'on peut avoir. Peut-être un mot ou un commentaire rapide, Julien Bouvard, avant de passer, parce que le temps passe et on a quand même pas mal de facettes de cette série et de ces films à explorer. Un commentaire sur cette découverte ou ces premiers instants de la série originale de 95. Ouais, je crois que tout est là. Hein. Dès les premières minutes, le ton est donné. Et on comprend très rapidement que finalement, au-delà des combats entre robots, ce que l'on va suivre, c'est l'intériorité de Shinji. C'est sa psychologie, c'est son problème, ses problèmes avec son père, c'est sa relation complexe avec le personnage de Diana Milley, donc qu'il voit blessé une première fois. D'ailleurs, plus tard, il va se demander si la Rey qu'il va voir après est bien la même que celle qu'il a vue dans le premier épisode. Bref, c'est une super introduction qui donne envie de regarder la suite, j'espère. D'ailleurs, ce qui est très marquant, c'est quand en fait on parle du premier épisode, mais il faut vraiment voir les deux premiers épisodes pour bien comprendre, puisque donc Shinji va se retrouver dans ce robot un petit peu malgré lui, il va partir à l'attaque. Le combat commence littéralement au début du deuxième épisode, et alors qu'il se passe très mal, il est coupé brutalement. Et ensuite, Shinji se réveille dans une salle avec un plafond inconnu. Et il va falloir attendre un bon bout de temps avant qu'on connaisse enfin ce qui a pu se passer dans ce fichu combat. Ce qui est quand même à la incroyable. Base le nerf de la guerre d'une série de robots. Et Anno l'interrompt brutalement pour finalement dire non, ce qui nous intéresse, c'est Shinji, c'est ce qui lui arrive et pas les bastons qu'il va faire dans son robot. Et ça, c'est le montage incroyable parce qu'il y a ce premier coup de maître en fait en termes de montage, c'est-à-dire d'attente. Moi, je me souviens la première fois que j'ai vu ça, je me suis dit, mais il y a un problème en fait. Il y a un problème sur la cassette. C'est-à-dire, j'ai rembobiné en me disant mais qu'est-ce qui se passe, en fait je comprenais pas ce qui était en train de se passer. Et effectivement, c'est bien plus tard qu'on va avoir le dénouement et le dénouement traumatique, ô combien traumatique, de ce premier. On va essayer de évidemment pas gâcher la découverte, et je vous assure qu'on retient les chevaux pour ne pas vous livrer des éléments clés, mais on peut dire quelque chose d'important, c'est que Shinji à la fin ou très rapidement à la fin du deuxième épisode découvre que les Évangélions ne sont pas des robots. Oui. Mais autre chose, de vivant. Voilà. Il y a un œil qui s'ouvre dans la plaie de l'armure et qui le regarde, et d'un seul coup, c'est une espèce de vision complètement traumatique et cauchemardesque. Pour reprendre une autre série de robots, c'est Mors Admit the Eye. C'est ça. Alors l'autre chose évidemment dont il faut parler et qui est là aussi assez captivante, c'est comment, je veux dire pour reprendre ce vieux topos d'Hitchcock en disant on reconnaît un bon film à son bon méchant, là évidemment les anges, ces apparitions dont on ne saura pas grand chose, on ne saura pas vraiment ni d'où elles viennent, ni ce qu'elles font, si ce n'est qu'elles veulent absolument entrer, détruire la Terre ou rentrer dans le centre de la Terre pour ne pas en dire beaucoup plus. Julien Bouvard, encore une fois, hein, je veux dire, pareil, si on repense aux vieilles séries, évidemment, on repense aux méchants de Vega, aux monstres du jour, aux Golgoth du jour. Là, Anno va prendre le genre pour en faire quelque chose d'autre qui pousse parfois jusqu'aux limites et aux frontières de l'abstraction. Tout à fait, oui. On ne sait jamais vraiment, au fond, qui sont ces anges, par quoi est-ce qu'ils sont motivés, pourquoi est-ce qu'ils attaquent la Terre. Et donc, cette indétermination est d'autant plus effrayante, sans doute, pour le spectateur et pour les protagonistes, je l'imagine. Et moi, j'y vois quand même quelque chose de très particulier, de très symbolique, d'un genre qui s'appelle le Sekai-kei. Qui est en fait né avec la série Évangélion. Alors le Sekai-kei, on l'appelle Sekai parce qu'en japonais ça signifie monde, parce que c'est tiré en fait d'une parole d'un personnage dans le premier film de Shinkai qui s'appelle Hoshinokoe, une scène dans laquelle le personnage principal dit que le mot monde, elle ne savait pas ce que c'était. Et elle pensait que le mot monde, c'était en fait la zone géographique où le réseau de portables passait. Alors, il y a trois éléments qui qualifient le Sekai-kei. Le premier, c'est celui qui m'intéresse ici, c'est qu'on ne connaît pas les ennemis, ils sont invisibles. Mm-hmm. On ne sait pas vraiment d'où ils viennent et pourquoi est-ce qu'ils nous attaquent. Le deuxième point, l'aspect important du Sekai-kei, c'est qu'on dépeint toujours l'amour entre deux jeunes gens, dont la relation a un rapport direct avec la destinée du monde. Pensez à toutes les œuvres de Shinkai, hein, donc je cite encore, mais Your Name, Les Enfants de la Pluie, etc. Et puis aussi, dans les combats, les protagonistes sont très souvent des filles, et les garçons restent en dehors de la violence. Et puis le dernier point, c'est aussi l'absence de représentation de la société dans sa globalité. Dans Évangélion, en fait, on a quelques informations sur la situation géopolitique du monde, mais c'est très compliqué de comprendre comment ça fonctionne d'un point de vue institutionnel. Y a-t-il des élections, des syndicats, des groupes politiques opposés, des médias? Tout cela, le monde est en fait réduit uniquement à des éléments signifiants, soit du domaine de la transcendance, avec des références à la religion, soit du domaine du très petit. Et c'est dans cette tension, et dans cette déhiérarchisation des tensions entre grands récits et petits récits, que trouve justement l'essence de ce genre du Sekai-kei. Je pense qu'avec Évangélion, on est exactement là-dedans. Ces anges, peut-être, Mathieu Pinon, il faut les décrire, parce qu'on va jouer sur la forme du monstre, sur la forme attendue, et jusqu'à d'ailleurs, et on pourra en reparler dans le rebuild of Évangélion, Anno va vouloir pousser jusqu'à faire des monstres qui sont littéralement abstraits, c'est-à-dire qu'il y a des monstres qui sont des figures géométriques, voire des taches dans le ciel. Enfin, ça ne ressemble plus à rien de ce qu'on connaît du Golgoth ou du monstre géant classique du Kaiju. Alors, il n'a pas attendu les rebuilds pour le faire, puisqu'il y a un ange qui est tout simplement une espèce de D8 géant. Un octoèdre. Les amateurs de jeux de rôle l'auront reconnu. Mais vraiment, c'est un octoèdre bleu géant. Il s'amusera à faire également des anges minuscules, qui vont être un virus informatique et non pas une créature gigantesque comme on pouvait toujours en voir. Ce qui est très intéressant d'ailleurs, c'est que ange, angel en anglais, c'est le terme que Anno a choisi pour la traduction internationale. En japonais, c'est Shito, et on pourrait plus traduire ça, Julien confirmera ou pas, mais par apôtre que par ange, donc émissaire quelque part. D'accord. Et on ne sait pas pourquoi les anges attaquent, mais par contre, ce qu'on peut constater, c'est que ces anges cherchent toujours à aller au même endroit, et on découvrira un peu plus tard dans la série qu'à cet endroit particulier, il peut se trouver quelque chose, et que finalement, c'est peut-être les humains qui, par leurs actes passés, font que les anges cherchent à revenir. Donc peut-être que quelque part, on peut voir un peu comme la nature qui voudrait se venger des actions des humains. Encore une fois, il y a des interprétations à foison qu'on peut faire de cette série. Vous confirmez, Julien Bouvard, pour la traduction de « ange » en japonais ? Shito, oui, tout à fait. C'est ça. Et alors, néanmoins, même si parfois on frôle l'abstraction, l'un des plaisirs, évidemment, à destination des otaku, des gens qui aiment bien les gros combats de gros monstres contre les gros robots, c'est le plaisir du combat qui détruit tout, et ça tape très fort. Shinji, tu es prêt ? Oui. Désactivez le dernier verrouillage de sécurité ! Évangélion, unité 01, lancement ! Shinji, il faut que tu te concentres et que tu penses à marcher. Marcher. Ah, Il a réussi. Je dois marcher. Son système de défense. Il est désactivé. Le champ de protection ne se forme pas. Il s'en sortira pas. Ah, les fameux étifils en japonais, enfin en anglais, qui est traduit par champ de protection là, qui est un des éléments clés de la lutte entre les Eva et les robots. On entend quelque chose aussi d'intéressant, c'est-à-dire que contrairement eh bien, au canon des séries ou des films de mecha où eh bien, le robot parfois, dans de rares épisodes, se fait un peu abîmer, là ils s'en prennent plein la tête à chaque fois. Et ce que vit le robot, le pilote, le ressent dans quelque chose d'assez sadomasochiste finalement, Mathieu Pinon. Oui, parce que ce qui est très intéressant, c'est que là où auparavant, quand on se rappelle dans Goldorak, Actarus devait tirer des leviers, pousser des manettes, appuyer sur des boutons afin de faire bouger son robot, là c'est une connexion neuronale qui est active et par conséquent, dès que le robot reçoit un coup, le pilote a la sensation de recevoir au même endroit. Donc si jamais il se prend un coup de boule, le pilote a mal au front. Si jamais le robot se fait arracher un bras, ça arrive à la fin du premier épisode. Voilà, dès le premier épisode. Donc là on ne gâche rien et donc voilà. Le pilote a vraiment l'impression de se faire arracher un bras. C'est d'ailleurs très intéressant puisque quand le pilote rentre dans son robot, il est dans ce qu'on appelle une entry plug, une espèce de cartouche cylindrique qui rentre dans un orifice placé sur la nuque du robot. Et cette entry plug va être remplie d'un liquide qu'on appelle le LCL, qu'on pourrait apparenter au liquide amniotique. Et donc, on est vraiment dans cet aspect comme le fœtus à l'intérieur de la machine pour cette vraiment une symbiose totale entre le pilote et la machine. Et c'est d'ailleurs très intéressant dans la méthode scientifique de parler de ça, puisque aujourd'hui, il y a des personnes qui travaillent littéralement sur des liquides afin que les gens qui vont dans des profondeurs maritimes puissent ne pas trop souffrir de la pression. Et donc, on voudrait trouver un liquide qui permette de respirer à travers les poumons. On peut ajouter un mot, peut-être, Julien Bouvard, pour avancer. Évidemment, donc, Anno va développer son scénario. Et qu'est-ce qui se passe à la fin? Il y a deux épisodes, les 24 et les 25. 25-26, pardon, excusez-moi. Les 25 et les 26, puis il y a 26 épisodes en tout, qui vont être radicalement différents, où on ne comprend pas très bien ce qui se passe. Et d'ailleurs, on ne comprend plus rien à l'intrigue. Et ça va provoquer une colère noire chez les fans de la série. Qu'est-ce qui s'est passé sur ces 25 et 26e épisodes? Alors, c'est assez difficile de savoir vraiment en détail ce qui s'est passé. Ce qui est sûr et certain, c'est qu'Anno était extrêmement épuisé par son travail. On peut l'imaginer, effectivement, c'est lui qui drivait, qui réalisait et qui a donné finalement toute la couleur de cette série qui, au départ, n'était pas du tout prévue pour être si avant-gardiste. Et donc, y a plusieurs théories. Alors, soit... Il faut dire en deux mots à quoi ça ressemble. C'est-à-dire que ça devient, là aussi, oui, une fois de plus, complètement abstrait. Ça se termine en crayonné, même pas fini. Oui, dans les derniers épisodes, donc l'animation passe concrètement du celluloïde, qui est la matière qu'on utilise traditionnellement dans le dessin animé japonais jusque dans les années 90, au crayon à papier. Tout devient extrêmement abstrait, comme vous le dites, beaucoup plus simpliste, beaucoup plus direct. Il y a aussi des images fixes qui ne bougent pas. Et donc, pour certains, c'est la démonstration de la puissance du limited animation. Le limited animation, donc l'animation limitée, c'est l'une des parties particularité de l'animation japonaise, donc un moyen de créer du sens à partir de peu. Et là, effectivement, ça prend tout son sens avec deux épisodes qui sont assez incompréhensibles en réalité sur le plan scénaristique, mais qui sont sur le plan formel absolument fantastiques. Mathieu Pinon, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire que là on est dans l'avant dans le court-métrage d'avant-garde. Oui. Et ça a complètement perturbé le public. Et en fait, c'est ce qui rend Evangelion passionnant par ailleurs. Voilà, Anno était vraiment rincé par toute la production, donc il a confié ses épisodes à Kazuya Tsurumaki, qui est son bras droit depuis toujours. Et Kazuya Tsurumaki est quelqu'un de beaucoup plus expérimental qu'Anno, justement. Là, il a vraiment trouvé son bonheur. Il réalisera plus tard Fully Cooly, qui est un délire expérimental absolument magistral. Et en fait, c'est les épisodes 25 et 26, il faut, je pense, voir plusieurs fois Evangelion pour comprendre et encore comprendre C'est exagéré, pour mieux saisir les épisodes 25 et 26, où, en fait, c'est tout le cheminement de Shinji qui est résumé. Et donc, un cheminement intérieur, ça se fait pas comme ça. Et pour aller plus loin par rapport à ce que disait Julien, faut pas aussi oublier que Gainax, toute l'équipe de production studio. Toute l'équipe de production était sur les rotules, et il y avait des problèmes également financiers. Et donc, la Limited Animation, c'était des moyens, ils ont dû chercher des subtilités pour se sortir de ces contraintes. Et on peut citer l'épisode 21, si je ne dis pas de bêtises, où il y a une scène dans un ascenseur entre Rei et Asuka, entre les deux filles qui accompagnent Shinji dans les combats. On n'a pas parlé d'Asuka encore, mais, qui est un des trois personnages. Nous n'aurons pas le temps d'en parler, mais elles sont toutes les deux dans un ascenseur, elles ne bougent pas, il n'y a pas un bruit et ça dure une minute. Une minute d'un plan fixe de deux filles dans un ascenseur. Et en fait, ce plan est extrême. Enfin, il y a une tension qu'on sent monter sans qu'il n'y ait la moindre animation, la moindre musique. Et donc, toutes ces astuces sont toutes compilées dans les épisodes 25 et 26, qui sont vraiment un petit peu le guide de l'animateur débutant pour comment faire quelque chose d'efficace si on ne sait pas animer. Julien Bouvard, un mot peut-être pour dire que effectivement du coup, face au tollé que suscitent ces épisodes 25 et 26, Anno va retourner au travail, va proposer d'ailleurs de façon un peu chaotique deux films qui sont en fait un film en deux parties qui s'appelle Death and Rebirth, puis un autre film qui sera pour le coup lui conçu comme la véritable fin qu'il aurait souhaité donner, qui s'appelle The End of Evangelion. On s'y perd un peu. Je précise que tout cela, la série originale ainsi que ces deux films sont disponibles sur la plateforme Netflix. Un mot peut-être sur ces fins alternatives. Je me permets de ne pas essayer de les résumer. Hein. Je pense que non, surtout pas. Productif. Simplement, je pense que Anno s'inspire d'un de ses maîtres, Tomino, qui avait fait la même chose avec Ideon, donc avec deux films. Le premier, il reprend finalement tout ce qui s'est passé de l'épisode 1 jusqu'à l'épisode 24. Et puis, dans le deuxième film, dans la deuxième partie qui est sortie, je crois, à peu près 6 mois. Ça, c'est Death of Evangelion. Voilà, c'est ça, 6 mois plus tard dans les salles japonaises. Là, il propose une fin alternative par rapport à ce que l'on a vu donc à la télévision. Alors, le but, c'était au départ, en tout cas, c'était la promesse d'essayer de répondre aux critiques de certains fans qui avaient été décontenancés face à ces deux derniers épisodes qu'ils avaient trouvé mal animés. Il n'y avait aucune réponse à toutes les questions qui étaient pourtant énoncées pendant toute la série. Et Anno va encore une fois prendre le contre-pied des fans en proposant donc quelque chose de très avant-gardiste, là aussi une nouvelle fois dans ses longs-métrages, tellement avant-gardiste qu'il va même intégrer dans le deuxième film des séquences filmées avec une caméra par lui-même de spectateurs dans la salle qui regardent le premier film. Et donc il y a un côté méta absolument dingue. Mathieu parlait tout à l'heure d'une sorte de discours d'Anno dirigé vers les otaku, mais c'est exactement ça. Anno s'adresse directement à son public et en fait lui répond, puisqu'il a été très touché par les nombreuses critiques qu'il a reçues donc par courrier ou sur les plateformes pré-internet à l'époque. J'irai même encore plus loin pour conclure, Mathieu. Dans The End of Evangelion, puisque les fans attendaient une fin, Anno leur a donné une fin et surtout il s'est efforcé de leur donner la fin qu'ils n'attendaient pas vraiment. Tout ce qu'ils ne voulaient pas voir, il leur a donné. C'était vraiment une espèce de pied de nez final. Et alors il faut dire tout de même, parce que bon, c'est un monument, on n'avait que 45 minutes, qu'il y a un remake qui s'appelle Rebuild of Evangelion qui a commencé en 2007. Ce sont là pour les films, des films d'une heure et demie, deux heures. Le premier reprend vraiment quasiment à 95% les 6 premiers épisodes. Et ensuite, c'est une autre histoire qu'il va raconter. Oui, alors il y a plein de théories qui font que Rebuild of Evangelion est plus un prolongement. En fait, très très vite, dans Evangelion, on découvre ça dès le début, il y a eu la montée des eaux sur la Terre, 2 milliards d'êtres humains ont disparu de l'humanité, et la mer est bleue, et au début de Rebuild of Evangelion, on est dans le même cas, mais la mer est rouge, et ce détail n'est pas là pour rien, c'est pas anodin. Toujours est-il que donc, Anno part sur de grandes libertés, et en fait, là, il fait le Evangelion dont lui rêvait, et qu'il peut se permettre avec les moyens technologiques du jour. Autant il y avait c'est des cellulos dessinés à la main sur Evangelion en 95. Là, il y a une part qui est laissée à l'informatique, qui est énorme, et qui d'ailleurs froisse certains parce que ils voulaient de l'animer à la main, et il y a un petit peu trop de 3D pour eux. Chacun va midi à sa porte. Vous pouvez retrouver également ces trois films Rebuild of Evangelion. Je pense qu'ils sont disponibles aujourd'hui en DVD en Blu-ray. Le quatrième tome vient de sortir au Japon. On espère qu'il arrivera bientôt. Et il pète tous les records du box-office. Ouais. Il a même réussi à dépasser Godzilla, Shin Godzilla, qui était un film Didier Akiyano, puisqu'il s'est mis au live juste après, c'est devenu quelqu'un de très très apprécié par le public et la critique au Japon. Là, il a dépassé, il a fait 500 000 entrées le premier jour. C'est énorme. Merci beaucoup en tout cas à tous les deux d'être venus nous parler de ce monument de la culture animée. Merci Mathieu Pinon, merci Julien Bouvard. Mathieu Pinon, on peut vous lire notamment dans une réédition mise à jour de l'histoire du manga moderne. C'est chez Inis Édition. Dans un siècle d'animation japonaise, on parle d'Evangelion. Notamment d'Evangelion. Merci beaucoup. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique, à Vétienne, Céline Lozen, Noémie Guet de Saint-Vulfran, Natacha Trio, Alexandre Morales, Antoine Beauchamp, Olivier Bétard à la réalisation, Jean-Guilain Mège à la technique. Un mot pour vous dire que si vous suivez nos aventures depuis hier et la valise mystère, nous avons réussi à trouver le code, donc ça y est. C'est bon, on vous tient au courant sur Twitter. La semaine prochaine, dans la méthode scientifique, ce sera la dernière semaine de la déjon, de la saison. Et oui, déjà, et on vous a gâté. Lundi, comment et que pensent, que perçoivent surtout les animaux, ce sera le thème de l'émission de lundi. Mardi, nous irons fouiller aux confins de l'univers pour faire de l'archéologie cosmologique et pour finir en beauté, non pas une, non pas deux, mais trois émissions de science-fiction. Mercredi, gros plan sur la SF queer. En ce mois des fiertés avec Sabrina Calvo et Mélanie Fazi. Jeudi, notre grand auteur de fin de saison et l'homme qui a planifié la terraformation de Mars. Sur le plaisir de nous entretenir avec Kim Stanley Robinson. Et on ne vous laisse pas partir en vacances sans avoir de la SF plein la valise. Ce sera le vendredi. On se retrouve d'ici là lundi à 16h jusqu'à preuve du contraire. C'est l'histoire d'une météorite vieille de 4,5 milliards d'années. Ou celle terrifiante de la momie Chachapoya. Celle encore du crocodile qui mangeait des dinosaures. Ou de la Vénus de l'Espugue sculptée il y a 23 000 ans dans de l'ivoire. Elles sont curieuses toutes ces histoires. 40 objets, 40 histoires qui nous embarquent loin. Une coproduction France Culture et Muséum National d'Histoire Naturelle. Les curieuses histoires du Muséum. Un podcast original sur franceculture.fr et l'appli Radio France. Dès le 7 juin.